Fallait-il vraiment continuer à être un contemporain? Seule une jeunesse au talent fauve avait cet art d'être de nos aujourd'hui, passager ignorant encore du travail souterrain de la mort. Cela, cette clairvoyance des fins prochaines, ils ne pouvaient pour la plupart pas la comprendre, et plus encore l'accepter. Certains, plus courageux, ou plus lâches, voyants peut-être, incendieraient et le monde impérial et leurs amours. Je n'en voyais aucun encore faire le travail phosphorescent de la lucidité de celle qui vous met à nu, livrée à la honte. Et cela alors demanderait courage, résignation, la malédiction d'un Sisyphe.